السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Donc bienvenue à tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers vous. Donc nous allons continuer l'explication des paraboles du Coran. Et hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons étudié deux paraboles à propos des hypocrites dans Sourate al-Baqarah. Et aujourd'hui, inshallah ta'ala, nous allons étudier trois autres paraboles, toujours dans la même sourate. La première parabole qu'on va étudier aujourd'hui est dans le verset 261 de Sourate al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابيل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى dit dans la traduction rapprochée de ce verset: ceux qui dépensent leurs biens sur le sentier d'Allah sont semblables à un grain qui produit 7 épis contenant chacun 100 grains. Allah multiplie sa récompense à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe qu'il multiplie la récompense de celui qui dépense dans son sentier. Les savants, premièrement, ils ont divergé concernant ce qui est voulu par dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Certains parmi les savants sont d'avis que ce qui est voulu, c'est dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la lutte dans son sentier, c'est-à-dire dans le djihad, et aussi pour faire le pèlerinage. Et ceci, c'est l'avis du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée. Et d'autres savants sont d'avis que ce verset est général, il est général, et qu'il englobe tout ce qui fait partie de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire que celui qui dépense, c'est bien de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah multiplie sa récompense. Et ceci est l'avis de Saïd ibn Jubayr et d'autres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde, et ceci est l'avis le plus juste. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ceux qui dépensent leurs biens sur le sentier d'Allah, on tire de cela un enseignement très important. Et cet enseignement, c'est que celui qui dépense ses biens doit faire preuve de sincérité dans son action. C'est-à-dire, il doit vouloir par cette œuvre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit dépenser ses biens aussi dans une chose qui n'est pas en contradiction avec la législation. Car le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala est sa voie. Et la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa législation. Donc celui qui dépense ses biens, donc celui qui dépense ses biens, et veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie sa récompense, il doit remplir ces deux conditions. Celui, par exemple, qui dépense ses biens par ostentation, Allah ne multipliera pas sa récompense, même si il la donne, par exemple, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil pour celui qui dépense ses biens dans quelque chose d'interdit dans la religion, comme dépenser, par exemple, pour la propagation de l'innovation, ou par exemple dépenser pour fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien dépenser ses biens pour aider les gens de l'innovation à construire un institut ou ce genre de choses. Donc même si la personne, elle est sincère dans cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne multipliera pas sa récompense. Et ici, je profite, barakallahu fikum, de l'occasion pour faire un rappel concernant le fait de faire attention dans quoi le musulman dépense ses biens. Car certaines personnes, et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que nous demandons le secours, certaines personnes sont mal intentionnées et profitent de la générosité des musulmans. Ils vont se prétendre, par exemple, pour une association ou bien une organisation qui aide les pauvres. Mais en vérité, des fois, ce genre d'association ou ce genre d'institution finance, par exemple, le terrorisme ou finance certains groupuscules. Comme cela s'est passé au Yémen, par exemple. Après la guerre, certains groupes, tels que, par exemple, les Frères musulmans, ils ont prétendu récolter de l'argent pour venir en aide aux orphelins et aux nécessiteux. Mais en vérité, comme certaines personnes de science sur place l'ont démontré, cet argent, il servait à quoi ? Il servait à financer certains groupuscules. C'est pour cela qu'avant de dépenser tes biens dans ce genre de choses, assure-toi, ya Abdallah, assure-toi que ce sont des gens de confiance. Et nous avons ce même phénomène-là en France, avec la secte qu'on appelle Jama'atut Tablir. À certains, par exemple, moments donnés, à certains moments de l'année, tu les vois devant certains supermarchés. Ils vendent des calendriers aux gens. Et parfois, ils sont prêts même à tout pour vendre. Même à envoyer une femme pour pouvoir faciliter les ventes. Nassallallah al-afiyah wa salam. Donc ne donnez pas votre argent à ce genre d'organisation. Car vous ne savez pas ce qu'ils vont faire de l'argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a certes interdit de s'entraider dans le péché et dans la désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 2 de sourate La Table Servie: wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et l'éloignement vis-à-vis des interdits, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que nous demandons le secours. Donc on revient au verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui dépensent leurs biens sur le sentier d'Allah sont semblables à un grain qui produit 7 épis contenant chacun 100 grains. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe de la multiplication de la récompense de celui qui dépense ses biens dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en mentionnant une parabole que tout le monde connaît. De ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'exemple d'un grain. Et ce grain produit 7 épis. Et chaque épi contient 100 grains. Donc au total, ça fait 700 grains. Tout ceci pour nous montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie 700 fois la récompense de celui qui dépense dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah multiplie sa récompense à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Ceci par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah peut multiplier la récompense de la personne encore plus que 700 fois. Car comme les savants l'ont mentionné, plus la personne est véridique et fait preuve de sincérité, plus Allah subhanahu wa ta'ala va multiplier sa récompense. Mais par contre, celui qui va faire une mauvaise action, Allah subhanahu wa ta'ala le rétribuera seulement par son équivalent. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 160 de Sourate Al-An'am, Sourate les bestiaux, « Man ja'a bil hasanati falahu ashr amthaliha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. » Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, quiconque se présentera avec une bonne action en recevra la récompense au décuple, tandis que celui qui se présente avec une mauvaise action ne sera rétribué que par son équivalent, et ils ne seront point lésés. Donc ceci nous montre la parfaite justice d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'immense grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans cette parabole, il y a une incitation à dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et son grand mérite. Ensuite, la parabole suivante qu'Allah a citée se trouve dans le verset 265 de Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction rapprochée, ceux qui dépensent leurs biens par quête de l'agrément d'Allah et conviction ferme en sa récompense sont semblables à un verger planté sur un coteau qui, arrosé par une averse, voit sa récolte doubler. Et si l'averse ne l'atteint pas, c'est la bruine qui l'arrose. Allah connaît parfaitement vos agissements. Donc dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les œuvres du croyant sincère perdurent et ne sont pas vaines. Et parmi les œuvres du croyant sincère, il y a l'aumône. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux qui dépensent leurs biens par quête de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que leur seul but, lorsqu'ils dépensent leurs biens, leur seul but, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont dans cela aucun but mondain. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « et conviction ferme en sa récompense », c'est-à-dire que lorsqu'ils ont dépensé leurs biens, ils n'ont pas fait preuve d'hésitation. Ils n'ont pas fait preuve d'hésitation, mais plutôt ils avaient la certitude de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que ces gens, donc qui dépensent leurs biens pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont semblables à un verger planté sur un coteau. C'est-à-dire, c'est un terrain comportant de nombreux arbres fruitiers. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, qui arrosé par une averse, voit sa récolte doubler. Et si l'averse ne l'atteint pas, c'est la bruine qui l'arrose. Donc, c'est-à-dire que dans tous les cas, les fruits de ce verger sont profitables. Et dans tous les cas, les fruits de ce verger perdurent. Car soit ce verger est arrosé par une averse, donc si c'est le cas, les fruits se multiplient. Ou bien ce verger, il est arrosé par une bruine, c'est-à-dire une pluie légère. Et cette pluie légère suffit pour que les fruits de ce verger poussent. Donc dans tous les cas, les fruits de ce verger perdurent, et dans tous les cas, le fruit, ou plutôt les fruits de ce verger, sont profitables. Tout comme l'aumône du croyant sincère, dans tous les cas, elle sera profitable. Qu'il donne par exemple beaucoup d'argent, ou peu d'argent, Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les cas, qu'il donne beaucoup d'argent, ou qu'il ne donne pas beaucoup d'argent, dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala accroît et multiplie sa récompense jusqu'à 700 fois, voire plus, comme on l'a vu dans la parabole précédente. Donc il y a dans cette parabole une incitation pour le musulman à multiplier cette grande adoration, à multiplier cette grande adoration qui est l'aumône. Et il y a aussi une leçon à tirer pour ceux qui sont hésitants à donner l'aumône. Soit car selon eux, cela va par exemple les appauvrir, ou bien ils n'ont pas les moyens de donner beaucoup d'argent. Donc ils ne peuvent que donner peu d'argent. Et comme beaucoup d'entre eux disent à ce sujet, si c'est pour donner ça, autant rien donner. Souvent, certaines personnes, ils te disent que si je ne donne pas, par exemple, un gros montant, si je donne, par exemple, 2-3 euros, par exemple, en aumône, autant rien donner. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette parabole, il nous montre que l'aumône du croyant qui est sincère, qui veut l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est profitable. Elle est profitable et elle perdure. Qui donne peu ou qui donne beaucoup. Qui donne peu et qui donne beaucoup. Donc, la personne ne doit pas hésiter à donner l'aumône et à dépenser ses biens dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que nous demandons le secours. Dans le verset d'après, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne une nouvelle parabole. Mais cette fois-ci, c'est concernant celui qui donne l'aumône par ostentation. Ou bien qui donne l'aumône, mais qui va faire une chose qui va annuler son aumône. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il dit dans le verset 266 de sourate Al-Baqara, أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, qui d'entre vous souhaiterait, alors qu'il est rattrapé par la vieillesse, que ses enfants sont encore jeunes et incapables, posséder un verger de palmiers et de vignes sous lequel coulent des ruisseaux, lui donnant toutes sortes de fruits, et qu'un tourbillon de feu s'abatte sur son verger et le brûle. Ainsi, Allah vous expose ces signes afin que vous méditiez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, qui d'entre vous souhaiterait alors qu'il est rattrapé par la vieillesse et que ses enfants sont encore jeunes et incapables, posséder un verger de palmiers et de vignes. Donc les vignes et les palmiers ont été mentionnés précisément car de la vigne est tiré le raisin et du palmier sont tirées les dattes. Et ces deux fruits, comme l'a mentionné l'éminent savant Cheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah lui fasse miséricorde, font partie des meilleures nourritures. Ces deux fruits font partie des meilleures nourritures et ils font partie aussi des fruits les plus profitables. Donc ensuite il dit, donc posséder un verger de palmiers et de vignes sous lequel coulent des ruisseaux lui donnant toutes sortes de fruits et qu'un tourbillon de feu s'abatte sur son verger et le brûle. Donc cet homme, il a atteint la vieillesse et il ne peut pas travailler pour gagner sa vie. Et ses enfants ne peuvent pas l'aider, car ils sont jeunes et incapables. Donc cet homme, il est dans une situation, et cette situation le rend dépendant de son verger. Et donc alors qu'il est dans cette situation, et qu'il a besoin de profiter de son verger, un tourbillon s'abat sur son verger. Un tourbillon de feu s'abat sur son verger. Alors que c'est le moment où il a le plus besoin de son verger. Tout comme celui qui donne l'aumône par ostentation. Dans l'au-delà, son œuvre ne lui sera pas profitable. Pourtant, c'est le moment où il en aura le plus besoin, au moment où il est dépendant de ses œuvres, au moment où rien ne va lui servir en dehors de ses œuvres, son œuvre ne lui servira à rien. Donc dans cette parabole, il y a une mise en garde contre l'ostentation et tout ce qui va annuler l'œuvre de la personne. L'action qui est faite par ostentation ne sera d'aucune utilité pour son auteur. C'est pour cela que le musulman doit être sincère dans l'ensemble de ses adorations. Il doit sans cesse s'écarter de l'ostentation et les causes qui mènent à l'ostentation. Et parmi ce qui peut mener la personne à l'ostentation, il y a ce fameux phénomène qu'on appelle les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on remarque que beaucoup ou certains musulmans, sauf à qui ce Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, ils partagent sur les réseaux sociaux toutes ou la plupart de leur adoration. Lorsqu'il va commencer à lire le Coran, Il se prend une photo comme ça, il la met sur Instagram. Ou bien, il la met sur Snapchat. Il commence sa prière, Allahu Akbar, avant de faire le takbir, qu'est-ce qu'il fait? Il se prend en photo pour montrer au monde entier qu'il est en train de faire la prière. Lorsqu'il va donner la sadaqa à un pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? Il lui donne la sadaqa et il lui fait quoi? Il lui prend en photo avec cette sadaqa. Toutes ces choses-là, barakallahu fikoum, c'est des choses qui vont mener la personne à l'ostentation. Et certes, ce genre d'agissement est contraire à la voie des pieux prédécesseurs. Car les pieux prédécesseurs faisaient des actions en secret. Et tellement ils faisaient des actions en secret, c'est possible que l'homme faisait des actions pendant des années et sa femme ne le savait même pas. Comme par exemple certains pieux prédécesseurs qui jeûnaient, et ils ont jeûné pendant de nombreuses années, et leurs épouses n'ont jamais su qu'ils jeûnaient. Ou bien certains pieux prédécesseurs qui se levaient la nuit lorsque les gens dormaient pour aller donner de la nourriture aux pauvres et pour œuvrer lorsque les gens étaient en train de dormir. Quel est ce type d'attitude que nous voyons sur les réseaux sociaux? La personne partage toutes ses adorations, la personne partage toute sa vie à travers ses réseaux sociaux. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et craignez que vos œuvres ne soient pas acceptées et craignez l'ostentation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté dans les hadiths authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar su'ila anhu faqala ar-riya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: la chose que j'ai le plus peur pour vous, c'est le polythéisme mineur. Et lorsqu'il a été questionné sur le polythéisme mineur, il a dit: c'est l'ostentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit à ses compagnons qu'il craignait pour eux la famine, ou bien qu'il craignait pour eux la maladie, ou qu'il craignait pour eux des choses parmi les choses de cette dunya. Mais il avait peur pour ses compagnons, il avait peur de l'ostentation pour ses compagnons. Alors que dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: les meilleurs des personnes sont les gens de mon époque, c'est-à-dire les compagnons, ensuite ceux qui les suivent, c'est-à-dire les tabi'in, ensuite ceux qui les suivent, yani tabi'u tabi'in. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a peur pour ses compagnons de l'ostentation. Et nous, pauvres comme nous sommes, dès qu'on fait une adoration, moi j'ai aidé Foulane, moi j'ai fait ça à Foulane, moi j'ai été la cause que Foulane, il se marie, et tel genre de parole. Faites attention, ibad Allah, que ce genre de parole n'annule pas vos œuvres. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, al-afiya wa salam. Donc ça c'était l'intervention d'aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala, demain, on se donne rendez-vous à la même heure et on continuera l'explication des paraboles du Coran. Wallahu al-musta'an wa bihi at-tuklan. Donc pour les frères et sœurs qui ont questionné concernant est-ce que les cours sont enregistrés, la réponse est na'am, les cours sont enregistrés. Et bi'ibnillah subhanahu wa ta'ala, on les mettra donc sur notre site internet. Donc le site du Merkez al-Ghuraba, on les mettra, inshallah ta'ala, dès que possible. Wallahu musta'an wa bihi tuklan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.